C'est la cinquième partie de ce sommet européen citoyen réalisé par des gens pour les gens. Ça veut dire que c'est pas des... Quand je dis que c'est réalisé par des gens, ça veut dire que c'est pas des militants engagés depuis plein d'années dans des mouvements. En tout cas, c'est pas ça qui est mis en avant. Hein, parce que dans l'équipe qui organise ce sommet, il y a Isabelle Duchâteau qu'on entend, mais qu'on a pu entendre dans un autre micro ouvert où là, on la rencontrait plus en tête à tête, qui est infirmière. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette femme est sûrement engagée dans son travail. Il y a Nicolas Lefebvre qu'on entend aussi, qui lui, moi, je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais il dit qu'il travaille sur des chantiers. Aussi super intéressant à écouter. Enfin voilà, moi j'aime bien parce que ça pose des questions, quoi. C'est pas des gens habitués à prendre la parole dans un auditoire et qui s'écoutent parler, quoi. Enfin là, je fais évidemment la caricature, hein, parce qu'il y a évidemment des gens avec un savoir qui sont intéressants à entendre. Mais là, dans ce sommet européen citoyen, c'est vraiment aussi la parole du public. Dire aussi que si vous comprenez pas bien tout ce que c'est ce bazar, qui parle, pourquoi, c'est qui, c'est quoi, ben, je vous invite vraiment à réécouter le premier micro ouvert qui présente un peu les gens. Parce que sinon, je ferai que ça en introduisant ce micro ouvert, de d'énumérer chaque fois tous les gens. Mais je vous invite vraiment, il y a un site aussi qui s'appelle microouvert.be où là, les choses sont écrites, il y a des liens, voilà, on peut mieux comprendre... qui c'est qui parle, pourquoi, comment, quoi. Allez, c'est parti. Et hop, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Mes cheveux? Quoi, mes cheveux? Ben, que veux-tu que je fasse? Moi, les coiffeurs sont fermés. Donc, j'ai tenté un lissage, j'ai pris deux bouillottes chaudes, j'ai frotté. Mais oui, mais j'ai pas l'appareil, moi. Les coiffeurs considérés comme non essentiels, franchement, hein, on aura tout vu. Si ça, c'est pas la décision d'un connard en costard atteint d'une calvitie, j'y comprends plus rien. Oh, attends, par contre, écoute-moi ça. La Belgique intègre désormais le top 10 des pays qui gèrent le mieux la pandémie. Pardon, c'est l'émotion, mais pour une fois qu'on est dans un top mondial, ça me... non, je sais que c'est des conneries, mais quand même, ça fait du bien de le lire, quoi. Parce que, quand même, je sais pas si tu as remarqué, hein, mais depuis le début de la pandémie, dès que la Belgique doit prendre de nouvelles mesures, elle attend de voir ce que la France décide pour faire la même chose. Mais cette fois-ci, hein, et à titre exceptionnel, quand elle a entendu, hein, que les Français rouvraient les pistes de ski, mais pas les remontées mécaniques, elle s'est dit, oh, ah non, sur ce coup-là, on peut pas suivre, hein, il va falloir trouver autre chose. Et soudainement, dans un éclair de génie, la Belgique s'est dit, et si on rouvrait les magasins pour que les gens puissent acheter leurs cadeaux de Noël? Mais du coup, on interdirait Noël pour qu'ils puissent pas offrir leurs cadeaux. Pas bête, hein, Jean-François? Je sais pas si tu te rends compte, mais on est les seuls à faire ça. Cela dit, ça nous donne un petit côté sexy. Ben oui, la Belgique est plus sévère que les autres. Grrr. Et parce que la Belgique n'est comparable à aucun autre pays, elle a quand même autorisé les gens à recevoir pour le réveillon, mais dans le jardin uniquement, ouais. Et sous moins 10 degrés, du coup. Ouais, tu as bien entendu. En fait, on peut fêter Noël, mais au-delà de sa bulle, c'est pas chez soi. C'est chez soi, mais pas chez soi. C'est pas à l'intérieur. C'est dehors, mais dans son dehors. Chez soi. Tu as pas de jardin. Ouais, mais hé, oh, suis un peu. Et suite à cette annonce, devine quoi? Rupture de stock de tonnelles, de brasero et de plaid dans tout le pays. Mais attends, hein, c'est pas fini. Hein, non, y a malgré tout certaines règles à respecter. Hein. Vous pouvez fêter Noël dehors à condition que votre jardin soit accessible par l'extérieur. Ben oui, ben c'est pour éviter de passer par la maison, sinon c'est pas du jeu. Ben oui, ben c'est tricher. D'ailleurs, tu sais que mon voisin a rasé son garage pour faire un couloir extérieur. Hein. Et trois maisons plus loin, j'ai une connaissance qui a arraché le toit de sa véranda pour faire une soirée. Ben quoi, c'est une bonne idée. Ils ont pas précisé. Hein. Noël sous les étoiles qu'il a appelé ça. Alors, autre règle importante, la police pourra venir frapper à la porte pour vérifier que vous êtes bien dehors. Mais attends, la police, elle peut pas rentrer à l'intérieur pour vérifier que tout le monde est bien dehors. Je vous jure, monsieur l'agent, il y a personne chez moi. Par contre, sur ma terrasse, là, c'est un marché de Noël. 63 000 personnes, oui, selon la police. Enfin, selon la... Enfin, oui, dans le sens... Oui, mais c'est une expression, monsieur l'agent. Je vous mets un petit vin chaud. Mais alors faites le tour, monsieur l'agent. Voilà, sautez au-dessus de la balustrade, soyez discret. Hein. Il y a aussi une règle, hein, qui est relativement intéressante. Votre personne de contact est le seul invité pouvant utiliser vos toilettes pour faire pipi. Mais attends, ça veut dire qu'en cas de contrôle, il doit avoir une étiquette ici où il est mis personne de contact pipi autorisé. Je comprends pas. Et oh, hein, qu'on vienne pas m'engueuler, moi. Bon, après, si ça tombe, la Belgique a opté pour la meilleure stratégie. Hein. Et au moment où l'Europe se confinera pour la troisième fois, nous, on pourra sortir de manière définitive et on arrêtera de rire de nous. Et on sera un exemple pour l'humanité. Ben je vois trop loin, je vois trop loin. Oui et non, oui et non. Moi je pense que la Belgique devient un élève exemplaire. Ah attends, il a écrit quelque chose ici en tout petit. Il se peut que les mesures s'assouplissent le 15 décembre et que vous puissiez fêter Noël. Vous parliez des élites avec un grand Z, c'est ça? Ouais. C'est quoi les élites? Ceux qui se prennent pour des élites, c'est-à-dire qui tiennent aujourd'hui le pouvoir à la fois financier, médiatique, intellectuel, économique, Voilà. Gaël Giraud. Donc vous savez qu'aujourd'hui, la société française est structurée en 3/3. Vous avez un tiers qui fait les études supérieures généralistes. Vous avez un tiers qui passe un bac pro ou technique. Et, vous avez, et puis un bac généraliste, mais qui ne fait pas d'études généralistes supérieures. Et puis vous avez un dernier tiers qui n'a pas le bac en France. Donc contrairement à ce que croient les membres du premier tiers, il n'y a pas 80% d'une classe d'âge aujourd'hui qui passe le bac. Ce n'est pas vrai. Et donc le tiers, entre guillemets, éduqué supérieur, lui, il a accès à tous les pouvoirs économiques, financiers, symboliques, médiatiques. Les médias, globalement, ne parlent que de lui et ne parlent qu'à lui. Et donc, d'une certaine manière, un tiers, c'est beaucoup plus qu'il y a deux générations. Il y a deux générations, quand Sartre disait « on ne peut pas se permettre de désespérer Billancourt », il était parfaitement conscient du fait qu'il appartenait à une petite minorité qui faisait moins de 10% de la population. Et il était contraint, le dimanche midi, à table, au repas dominical, de parler avec la cousine Gertrude ou le cousin Albert qui n'a pas fait d'études. Aujourd'hui, le tiers éduqué supérieur est suffisamment nombreux pour pouvoir vivre dans une espèce d'endogamie sociale complète. Sécession. Oui, dans une sécession. Donc c'est la fuite de Varennes. Et donc ce tiers-là ne parle plus aux deux autres tiers de la population française, ne sait plus ce que vivent les deux autres tiers, et est très étonné lorsque les deux autres tiers votent non, par exemple, à la Constitution européenne en 2005, ou bien organisent des ronds-points avec des gilets jaunes pour protester contre le sort qui leur est réservé par le gouvernement actuel. Donc il y a une mécompréhension, et en fait une méconnaissance grandissante de la part de ce tiers, de ce que vivent les deux premiers tiers des Français aujourd'hui. Ce manque de socio-perception, on peut essayer de les reconnecter avec la réalité ? Oui, bien sûr. Ça suppose... À grand coup de gilet jaune ? Comment ? À grand coup de gilet jaune ? Alors, à grand coup de gilet jaune, alors, attention. Premièrement, regardons ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes ont rendu possible quelque chose comme la Convention citoyenne sur le changement climatique. Sans les gilets jaunes, ça n'aurait pas eu lieu. Ce n'est pas Macron qui, tout d'un coup, s'est dit « on va faire cette convention ». La convention citoyenne a été rendue possible grâce à la pression des gilets jaunes. La convention citoyenne, de mon point de vue, c'est un véritable miracle démocratique qui montre que vous tirez au hasard 150 citoyens, vous leur permettez, vous leur donnez les moyens de se former convenablement pendant 9 mois, ils vous pondent in fine un programme de transition écologique pour la France qui est plus intelligent que ce que la haute fonction publique française a conçu depuis 20 ans. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux premiers tiers de la France sont capables de parler au premier tiers, d'avoir des raisonnements et des conclusions et des préconisations normatives politiques qui sont du même niveau que ce qui est capable de produire le premier tiers. Et donc, en réalité, il y a un dialogue tout à fait possible. C'est une partie du, disons, un certain nombre de membres du premier tiers qui, à l'image d'ailleurs du président de la République, vivent un mépris très très profond pour les deux premiers tiers des Françaises et des Français et croient fondamentalement que ces deux premiers tiers sont incapables de leur parler et qu'eux n'ont rien à leur dire. Donc c'est ce fossé-là qui est en train de grandir aujourd'hui d'incompréhension, et la Convention citoyenne et ce qu'ont fait les Gilets jaunes, à mon avis, montrent qu'on est tout à fait capable, si on s'en donne les moyens, de combler ce fossé. Encore faut-il qu'on s'en donne les moyens. De ce point de vue-là, je trouve que la Convention citoyenne montre une chose, c'est que les médias ne font pas leur boulot dans notre pays. Parce que si ils faisaient véritablement leur travail, la qualité du débat qui a eu lieu au sein de la Convention citoyenne, on pourrait l'avoir dans l'espace public en France aujourd'hui. Et ce n'est pas ce qu'on a malheureusement. Vous voulez vous réunir à deux personnes pour envisager une manifestation, vous serez considéré comme terroriste. Ouvert. Terroriste. Mais sachez-le, hein, aujourd'hui, il n'y a plus aucun contrôle de la corruption dans ce pays. Il y avait encore quelques années, on avait la possibilité, il y avait une section des renseignements généraux qui était censée surveiller nos élus. Elle n'existe plus. Elle a été démantelée à cause des attentats de la gare centrale. Plus personne ne surveille qui donne quoi à qui. Mais par contre, vous vous réunissez à deux personnes, vous êtes des terroristes. Et on va vous surveiller dans votre voiture chaque fois que vous la prenez. Vous alliez chercher une barre de chocolat à la station-service du coin ou que vous alliez vous réunir avec des amis pour éventuellement essayer de changer les choses et sauver vos enfants. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et le Covid leur a permis d'avoir 2 ans, voire 3 ans d'avance sur leur plan. Ayez conscience de ça, c'est le plus important aujourd'hui et c'est ça qu'on voudrait dénoncer par ce sommet européen citoyen. La plupart d'entre vous dans cette salle n'êtes pas en danger par ce virus. Certains peut-être, à cause des comorbidités, et encore, j'en suis pas certaine. On a entendu le professeur Gala tout à l'heure, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Mais alors pas du tout, hein. Bien sûr, il y a des patients qui sont à risque, mais vous pourriez tous mourir d'une scarlatine. J'avais 40 ans, j'ai fait la scarlatine, je me suis retrouvée aux soins intensifs avec une ostéite de la mâchoire. Une scarlatine. On a tous des risques à partir du moment où le terrain n'est pas bon. Si vous avez un bon terrain, il ne vous arrivera rien. Mais c'est valable avec n'importe quel virus, mais ils prennent ce prétexte aujourd'hui pour nous autoriser à faire deux choses, travailler, consommer, point. Et encore, consommer, surtout pas dans l'horeca. Aujourd'hui, on ne peut pas. Pourquoi pas l'horeca ? Parce que ce sont des moments festifs, ce sont des moments récréatifs, ce sont des moments qui nous font du bien. Et donc, on n'a plus le droit de faire quoi ? Travailler, rapporter de l'argent aux multinationales, et surtout pas se réunir pour essayer d'avoir un avenir correct. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. C'est vraiment important, prenez-en conscience. C'est le plus important aujourd'hui, c'est notre avenir qui est en jeu. Alors, par rapport à la 5G, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la disparition de l'argent physique. D'ici 2025, vous n'aurez plus une pièce, vous n'aurez plus un billet en poche, vous ne payerez plus qu'avec un smartphone ou avec un code barre ou un QR code. C'est programmé, vous pouvez aller voir sur les sites des banques, vous n'aurez plus d'argent. Ce qui permettra au gouvernement, comme en Chine, de clôturer vos comptes quand vous n'êtes pas d'accord avec le régime. C'est ce qui s'est passé pour le député qui a dénoncé Di Rupo à la Chambre, au gouvernement. Cet homme n'a plus droit à un compte bancaire en Belgique. Il était obligé d'ouvrir un compte bancaire en France. Il n'a pas le droit. Et voilà à quoi on s'attend. Les personnes qui sont ici dans la salle et qui sont, je ne vais pas dire révolutionnaires, mais qui veulent l'égalité et qui veulent retrouver un système démocratique, vous n'aurez plus le droit d'avoir un compte bancaire. Ou alors il sera vraiment minime, très minime. Alors par rapport aussi à ce qu'on veut supprimer l'horeca et tout ce qui est restaurant et café, c'est bien le seul endroit où on communique avec des gens qu'on ne connaît pas. Au boulot, c'est votre bulle. C'est votre bulle de travail. Là, vous communiquez avec les gens, des gens que vous connaissez, donc ça reste entre eux. Tandis qu'au café, ben, vous rencontrez des gens, des amis ou des inconnus, et vous apprenez plein de choses. Et ça aussi, c'est fait pour ne plus que les gens se communiquent entre eux. Vous pouvez aussi voir aussi qu'on est occupé de détruire tous les petits commerces, mais vraiment tous les petits commerces. Mais regardez un peu, moi je travaille dans le bâtiment, je le vois. On coule du béton pour fabriquer des McDonald's, des Quick et des grandes surfaces. Plus jamais pour faire des petits magasins et des restaurants. Ils veulent vraiment faire que tout soit géré par les multinationales. Et il n'y aura plus que les multinationales. Et vous ne travaillerez plus, vous ne créerez plus quelque chose. Ce sera les multinationales qui vous fourniront votre nourriture et vos objets. Les objets qui vont devenir uniques, un peu comme IKEA. Maintenant, tout le monde a son service IKEA, ses assiettes IKEA, et on ne reçoit plus rien. Et quand vous voyez un meuble IKEA, la vis est fabriquée en Tchécoslovaquie, la porcelaine en Suède, c'est des exemples que je donne comme ça au hasard. Hein. Mais vous avez des milliers de camions sur les routes parce qu'on fait le moins cher possible la petite pièce, la moindre petite pièce. Et donc il y a des gens qui ne fabriquent qu'une petite pièce dans une usine en longueur de vie. Au niveau social, je trouve que ce n'est pas très, très gratifiant. Il faut savoir aussi qu'IKEA, pour payer ces panneaux moins chers, ces panneaux de particules, est en train de déboiser les forêts de Tchernobyl. Donc attention à vos enfants et à vos chambres, parce que les panneaux de particules sont faits avec du bois qui est contaminé par l'uranium. Ça aussi, on ne vous dit pas. Et je vous invite vraiment à éteindre les télévisions, ou alors à écouter bien la télévision, mais à penser tout le contraire de ce qu'ils disent. Et souvent, vous êtes dans le vrai. Et à force de chercher, on trouve beaucoup de choses, c'est même effarant, et on est même arrivé à un point où on va tellement loin qu'on n'ose même... Enfin, ça devient inconcevable de croire ce qui se passe. Et je sais que, bon, on essaye de se battre, mais je pense qu'on est deux, trois guerres en retard, parce qu'ils sont déjà bien plus loin. Et donc, pour moi, le Covid qui est arrivé ici, qui a été suramplifié, et si on regarde les chiffres de mortalité en Belgique sur les 5 dernières années, cette année, nous avons moins de morts chaque mois. Donc la population augmente. Eh ben, ça, on compte par 1800, 1700 morts par mois en Belgique. Eh bien, nous avons moins de morts cette année que les autres années précédentes. Il faut savoir aussi que les hôpitaux, on dit en ce moment qu'ils sont surchargés. Il ne faut pas oublier que Wilmès, elle a enlevé 900 millions de budget quand elle était au gouvernement. Et donc, on a supprimé énormément de lits. Il faut savoir que les autres années, les hôpitaux ont toujours été surchargés à cette date-ci. Surchargés par les personnes en mauvaise santé qui attrapaient des bronchites et autres maladies avec des problèmes respiratoires. Donc ici, on fait un scandale parce que les hôpitaux vont être surchargés, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal dans deux sens, puisque dans le premier sens, c'est qu'on a supprimé des lits, donc ils vont être plus vite surchargés, mais surtout que la population, elle augmente. Donc, si on fait un calcul par règle de 3, automatiquement, chaque année, il devrait normalement y avoir de plus en plus de malades, puisque la population mondiale augmente. Voilà, merci. Ok, alors pour les questions, c'était simple, c'est un petit peu comme aux 24 heures du Mans, on court pour avoir le micro. Alors qui court le plus vite ? Courez ! Cette merde qui est tombée, merci. Je voulais juste vous demander, je ne sais pas qui a fait l'intervention, où est-ce qu'on peut trouver ce rapport des salariés d'Orange contre la 5G ? Parce que moi j'aimerais bien le télécharger et le diffuser, en fait. Voilà, alors c'est vous qui... je ne sais plus où est la personne... Voilà, donc si vous avez cette information-là, moi j'aimerais bien le télécharger, le diffuser, le lire. D'accord. Alors moi je voulais juste faire une petite mise au point par rapport à la Russie, c'est très important. En fait, vous aviez dit que le régime russe est la même chose que le régime chinois. Non, pas exactement. La Russie est un pays, européen, libéral, capitaliste tout à fait classique. Et pour dire, ils n'ont pas confiné et enfermé la population. Toute la Sibérie est restée entièrement libre. Il n'y a que, pour des raisons politiques, ils ont confiné Saint-Pétersbourg et Moscou, parce que c'est là qu'il y a le plus de libéraux qui sont contre Poutine. Et Poutine a fait ça pour des raisons totalement politiques. D'ailleurs, celui qui instaure le traçage de la population, le maire de Moscou, Sobanine, c'est lui qui instaure le nouvel ordre mondial. Ce n'est pas forcément le régime russe, c'est-à-dire Poutine, en fait. Ça, c'est important quand même, parce qu'il faut savoir trouver ses alliés, si je puis dire, et la Chine, c'est pas du tout la même chose que la Russie. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, c'est très intéressant. J'ai les mêmes échos. Bon, je voudrais vous dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une question de nos chances. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un gouvernement. Je vois qu'il y a un monsieur qui a des questions. Après, voilà. Mais il y a, au sein, on va dire, de la gouvernance mondiale qui était plutôt en retrait, qui aujourd'hui a tendance à tout simplement s'institutionnaliser, il y a quand même des factions qui s'opposent. Donc, il faut peut-être pouvoir profiter, on va dire, ils ne sont pas tous complètement alignés. Voilà, et chacun essaie de tirer la couverture à soi. Tout le monde est d'accord pour faire du racket et du contrôle de la population, mais après, entre eux, voilà, ils essaient chacun de, voilà, d'en profiter au maximum. Donc peut-être qu'on peut, on peut profiter de leur division. Très rapidement, j'ai envie de vous rappeler trois choses qui sont des expériences de psychologie sociale. Beaucoup de gens connaissent l'expérience de Milgram. Est-ce que c'est l'expérience de Milgram ? C'est une expérience où on fait venir des gens et on leur explique, voilà, on va vous demander, vous avez participé ici à une recherche scientifique, il y a des personnes de l'autre côté de la paroi qui vont devoir répondre à des questions. Si elles donnent la mauvaise réponse, vous devez leur administrer un choc électrique. Je ne sais plus quel pourcentage, mais on va dire pas loin de 80% des gens vont jusqu'à administrer un choc électrique mortel à la personne qui est de l'autre côté de la cloison, simplement parce qu'il y a un type en blouse blanche qui leur dit « il faut continuer ». Alors le type, il a été engagé, il gagne peut-être 10$, et donc c'est pas pour les 10$ évidemment, c'est parce que les gens sont soumis à l'autorité et qui n'osent pas défier l'autorité. Il y en a qui à un moment disent « non, non, mais attendez, moi ça va pas du tout, je suis pas d'accord ». Donc c'est assez effrayant, ces expériences qu'on a menées en Allemagne après la guerre, qu'on a menées dans d'autres pays, etc. Et je dis ça aussi pour les Allemands. Tout le monde dit, suppose que, bon voilà, ils ne sont pas comme les autres. C'est pas vrai, c'est partout la même chose. Par contre, une expérience qui est très intéressante et qui est encourageante par rapport à ce fait qui est quand même un peu choquant, hein, parce que, c'est l'expérience de H. Dans l'expérience de H, il y a plusieurs personnes qui sont amenées à regarder un tableau, des images, et là, on leur dit ce sont des barres ou des objets de différentes tailles. On leur dit, voilà, quel est le plus petit, quel est le plus grand, et voilà, ils doivent chaque fois répondre. Au début, tout le monde répond bien, évidemment, tout le monde sait identifier le plus petit objet, le plus grand objet. Bon, les différences ne sont pas énormes, évidemment. Et puis, au bout d'un moment, hormis le sujet de l'expérimentation, je veux dire, tous les autres sont dans le coup, et tout le monde donne la mauvaise réponse. Et la personne, en général, la plupart des gens, malgré leur perception propre qui leur dit quelque chose, s'aligne sur le groupe. Quelque part, ils entrent en dissonance, c'est-à-dire en leur fort intérieur, ils ont bien vu que c'était pas ça la bonne réponse, mais il y a toujours cette histoire de « je m'aligne sur le groupe ». Par contre, phénomène intéressant, quand une seule personne du groupe dit la bonne réponse, là, ils se sentent tout à coup le courage de rejoindre cette personne et de manifester ce qu'ils ont vraiment vu eux-mêmes. Et il suffit de un, exactement, that was the point. Et la dernière expérience, c'est quelqu'un, un monsieur qui est coach, qui me l'a appris, et qui est coach dans le spécialiste contre ce qu'ils appellent le bullying, le harcèlement, et qui dit, voilà, statistiquement, toutes les études le disent, c'est au premier moment qu'il faut réagir. Vos chances sont les plus grandes, plus vite vous réagissez, plus grandes sont vos chances de résister au harcèlement. Si quelqu'un pointe un flingue sur votre tempe et en vous disant « montez dans la voiture », si vous réagissez à ce moment-là, vos chances de survie sont plus élevées que si vous montez dans la voiture. C'est prouvé à tous les coups. Et bon, tant qu'à mourir, autant que ce soit proprement à ce moment-là, que Dieu sait après ce qu'on va vous faire après. Donc je veux dire, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Il faut se dire, c'est maintenant qu'il faut réagir. Il ne faut pas attendre demain. C'est ça qu'ils font les Allemands. Ils réagissent maintenant tout de suite. Et nous aussi, on doit faire la même chose, on doit avoir le courage. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des leaders. Pourquoi est-ce qu'on est avec quelqu'un, je veux dire, voilà, pourquoi est-ce que moi je me suis jointe à quelqu'un comme Kennedy. C'est pas parce que c'est des grands chefs qui commandent. C'est parce que ce sont des gens qui inspirent les autres par leurs propres actions. Et c'est ça pour le leadership d'aujourd'hui. C'est pas de dire qu'il y a personne qui peut parler, que tout le monde doit être absolument réduit. Je comprends bien aussi les histoires de tirage au sort, etc. Parce que je pense que c'est très important qu'il y ait un contrôle. Mais il faut qu'à certains moments, certaines gens puissent s'exprimer et je dirais par leur propre conduite inspirer d'autres. Et aussi, ce qui nous paraît essentiellement, voilà, pour moi, c'est la prise de responsabilité individuelle face à cette histoire d'effectivement néo-communisme où on dit tout le monde c'est la solidarité alternative, il n'y a pas de chef, il faut vous êtes coupable parce que votre grand-mère va mourir, etc. C'est pour le bien commun, vaccinez-vous pour les autres. Non, il faut pouvoir prendre sa responsabilité en tant qu'individu. Et prendre sa responsabilité en tant qu'individu, c'est accepter de voir aussi sa part d'ombre. C'est en voyant la part d'ombre qu'on pourra voir la bonne aussi et arrêter de se juger. Voilà. Je vous laisse à des questions plus... Merci, merci. On pourrait compléter en disant, il suffit de une. Et même peut-être un chien ou un chat, va-t-on savoir. Alors, qui prend le micro? Qui pose une question? Bonjour. Ça va comme ça? Je suis médecin et je voudrais prendre la parole en tant que donc, médecin, surtout. J'ai écrit un papier que j'ai transmis à pas mal de mes patients qui est à votre disposition. Je vais vous lire parce que ça irait plus vite et je déteste prendre la parole en public. Mais, voilà. Chers patients, Je me permets de vous transmettre un papier que j'ai rédigé après avoir longuement investigué sur le test PCR, sa validité et le bien fondé de son utilisation dans le contexte Covid. Cela m'a paru essentiel en effet, puisque c'est à partir de cette épidémie de tests, qui ne révèle majoritairement pas de maladie virale effective et donc pas non plus de contagiosité potentielle, que l'on propage l'idée d'une augmentation fulgurante de cas. Forcément, le test étant sensible, c'est-à-dire détectant même la présence de traces de chaînes d'un ARN viral, cela ne signifie pas que celui-ci est infectant, que le nombre de personnes détectées positives Covid ne cesse d'augmenter. Le nombre de personnes signalant un cas testé positif dans leur entourage ne cesse de croître également, forcément. Comme tous les médecins, je reçois des dizaines d'appels par jour de patients me demander s'ils doivent se tester car ils ont été en contact avec quelqu'un qui... une chaîne sans fin. Ce temps considérable passé à donner des explications, rassurer, porte préjudice à la qualité des soins pour d'autres pathologies que celles du Covid, qui existent encore. Par ailleurs, les hôpitaux ne sont pas plus saturés qu'en temps normal à cette saison automnale. Des patients meurent, certes. Jusqu'à présent et depuis mars, il n'y a pas eu de surmortalité en Belgique, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs. J'ai rédigé ce papier afin de vous procurer des références que j'estime sérieuses, venant de scientifiques rigoureux et de cliniciens, entre autres réanimateurs. Elles permettent un tout autre regard sur cette crise que celui véhiculé par les médias, nos ministres et conseillers scientifiques. À vous de vous faire votre propre idée. Ce n'est pas si facile, c'est certain. Mais j'estime qu'il est de mon devoir de médecin de vous partager ces infos. Que chacun puisse agir en connaissance de cause, en tout cas de donner la possibilité de se donner la possibilité de penser autrement, sachant qu'il n'y a pas de vérité. Puisqu'elle n'existe pas, je ne prétends pas la détenir et je ne suis pas dupe de celle qu'on nous sert. La première page du PDF recense des sources, la seconde plutôt des ressources. Je partage aussi en quelques mots mon point de vue de médecin et de citoyenne. Je vous souhaite le meilleur à l'occasion de cette épreuve que nous vivons tous autant que nous sommes. Bien à vous tous. Je continue. Alors, je veux juste vous lire sur la question du PCR parce que je pense qu'elle est essentielle. Donc, il y a actuellement une épidémie de tests PCR, polymérase chain reaction, frottis nasopharyngés. Or, l'utilité même du test doit être mise en cause comme outil diagnostique. Cette méthode détecte la présence de gènes SARS-CoV-2, mais n'informe en rien sur la contagiosité. Des PCR positifs sur des personnes asymptomatiques, des fameux contacts que l'on traque, ne sont en aucun cas une mesure d'évaluation scientifique du danger pour ces personnes et du risque de contamination de leurs proches. La PCR est un outil de confirmation diagnostique chez une personne présentant des symptômes spécifiques du Covid, les seuls étant l'alvéolite pulmonaire et la pathologie vasculaire micro-embolique, en particulier au niveau des poumons et des reins, et ce, chez des personnes à risque. Immunodépression, transplantation, insuffisance et dialyse rénale, décompensation cardiaque. Mais cela ne signifie pas que le SARS-CoV-2 détecté soit la cause de la symptomatologie virale manifestée en masse tous les automnes depuis toujours. On trouve ce que l'on cherche, c'est-à-dire une présence de chaînes ARN spécifiques du SARS-CoV-2 et ce d'autant plus que les cycles de réplication de réplication permettant l'amplification sont nombreux. Je voulais pas, mais cela ne signifie en rien que le virus est contaminant et n'exclut pas non plus qu'un autre virus ne le soit pas. Si l'on ne teste pas d'autres virus, on ne peut pas déterminer si le SARS-CoV-2 est bien la cause de la symptomatologie. Par ailleurs, il faudrait déterminer un seuil de charge virale à partir duquel le virus est contaminant, ce qui n'est pas le cas. La détection est en effet beaucoup trop sensible pour établir une quelconque corrélation avec un pouvoir infectant. L'incidence accrue des maladies virales à cette saison a toujours existé. En tant que médecin généraliste depuis 32 ans, j'ai pu observer une évolution des pathologies virales saisonnières de plus en plus virulentes depuis une quinzaine d'années, les vaccins n'y étant pas pour rien, accompagnée d'importantes altérations de l'état général, dont fatigue majeure se prolongeant parfois pendant plusieurs semaines, des symptômes polymorphes, ce qui est le propre des pathologies virales, dont l'anosmie et la trachéite fréquente dans la phase de décours de la maladie pouvant durer plusieurs semaines. Le test PCR n'est donc pas un outil de screening de masse, ce qui a été confirmé par interview écrit par Carey Mullis, prix Nobel de chimie en 1993 pour sa découverte en 1983 du procédé d'amplification de l'enzyme ADN polymérase TAC, qui vient d'une bactérie. La seule vraie mesure du danger posé par un virus est l'IFR, c'est-à-dire le taux de mortalité qui tient compte des personnes symptomatiques et asymptomatiques, réalisé grâce à un testing sérologique, randomisé au sein d'un échantillon représentatif de la population. Ces mesures ont été réalisées dans divers pays et à plusieurs reprises. Le taux de mortalité réel lié au Covid oscille entre 0,3 et 0,6%, et sont donc 10 fois moindres que les 3 à 5% rapportés par la presse. Taux de survie de 0 à 19 ans, 99,997%, de 20 à 49 ans, de 99,9%, de 50 à 69 ans, de 99%, et de plus de 70 ans, à 94%. Le fondement et la pratique de la médecine moderne sont basés sur la maladie et non pas sur la santé. En particulier, la santé ne consiste pas à faire la chasse aux microbes qui depuis toujours ont participé à notre évolution. Pasteur a reconnu à la fin de sa vie s'être trompé en accordant une primauté aux microbes et a donné raison à Claude Bernard pour qui la notion de terrain était essentielle. Métaphoriquement, tirer au bazooka sur des insectes saignant au-dessus d'une mare ne les empêchera pas de revenir. Or, notre médecine est fondée sur les théories de Pasteur. Hippocrate disait 400 ans avant Jésus-Christ, « Dans l'intérieur du corps existe un agent inconnu qui travaille pour le tout et pour les parties, qui est à la fois un et multiple. » Merci. Merci beaucoup. Je voudrais revenir un instant sur le scénario de Lockstep que Senta nous a mentionné tout à l'heure, pour mentionner à ceux que ça intéresse qu'en fait, c'est un scénario parmi quatre scénarios mis au point par la Rockefeller Foundation, donc des petits pauvres d'Amérique, là, et aussi par un autre groupe, Global Business Network, ou un truc comme ça. Il est intéressant de voir les trois autres scénarii. Il faut savoir que officiellement, c'est un scénario d'une association pour la technologie et ils se demandent, il y a 10 ans, tiens, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que philanthrope pour l'avenir si le monde évolue dans telle ou telle ou telle direction. Le Lockstep, on ne sait pas très bien, officiellement, il est présenté comme un des quatre scénarios principaux qui peuvent se présenter. Ça semble très fort être celui qui souhaite, ça c'est autre chose. Mais ça vaut la peine d'aller voir les trois autres, parce qu'il y en a notamment un qui semble très très sympathique. Qu'est-ce qui se passe si le monde commence à s'entendre, à se regrouper sur ce qui les rassemble et tout ça? Je vous recommande cette lecture aussi, elle est disponible aussi. Alors, je passe la parole à Isabelle, parce qu'il y a pas mal de choses à dire en matière de santé, et elle en connaît un bout dans pas mal de domaines. Merci. J'avais envie de vous poser une ou deux questions. Dites-moi, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont eu le malheur de se taper un petit état grippal, un gros rhume en plein été? En plein été, un petit rhume, les petits rhumes d'été, ça vous dit rien? Punaise, on n'a que une salle de gens en bonne santé. Eh bien, pourtant, les petits rhumes en plein été, ils sont fréquents. Ils sont fréquents et, à votre avis, quand ils arrivent aux urgences, parce qu'ils arrivent tous aux urgences ou à peu près, surtout dans les villes paupérisées où la plupart des gens n'ont pas de médecin traitant, quand ils arrivent aux urgences avec leur petit état grippal en plein été, qu'est-ce qu'on fait ? Non, on ne teste pas en été, jamais. Mais si on testait en été, qu'est-ce qu'on aurait ? Ben, on n'aurait pas des Covid, hein, parce qu'il est apparu au mois de mars, et on a eu des Covid au mois de juillet. Mais en 2018, en 2017, en 2016, en 2015, en 2014, etc., etc., avec les gens qui arrivaient aux urgences, avec leur nez qui coule, leur courbature partout, si on les avait testés, qu'est-ce qu'on aurait eu ? On aurait eu des grippes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de grippe en juin, juillet, août ? Parce qu'on teste pas. On ne teste pas. On arrête de tester à la fin de la saison grippale. Et comment est-ce qu'on estime la fin de la saison grippale ? De façon totalement aléatoire. On regarde à partir de quel moment les cas augmentent. On considère que la saison grippale a commencé de façon mathématique, c'est-à-dire pas du tout biologique. C'est encore une fois des projections mathématiques. On considère qu'une saison grippale, c'est 6 semaines. Donc on considère que 6 semaines plus tard, c'est fini. Et pour peu qu'effectivement le seuil épidémique corresponde à ces 6 semaines, tout le monde est content, on arrête de tester. Mais si on continuait à tester en 2015, 2014, 2013, etc., on aurait eu des grippes au mois de juillet, on aurait eu des grippes au mois d'août, on aurait eu des grippes intubées, ventilées aux soins intensifs. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est une épidémie de tests. Ce n'est que ça. On arrête de tester, on n'a plus de cas. On n'a plus de cas et on a une petite augmentation de patients hospitalisés, une petite augmentation de patients aux soins intensifs, mais c'est chaque année à la même période, il n'y a rien changé. Le professeur Gala tout à l'heure vous a dit « Mais si on fait tout ça, c'est pour éviter la saturation des hôpitaux. Mais bon sang, pourquoi on ne le faisait pas il y a 10 ans ? Pourquoi j'ai crevé, moi, aux urgences il y a 10 ans, à 3 la nuit alors qu'on faisait 150 patients ? Et que personne n'intéressait personne, ni la presse, ni les politiques, ni même les médecins-chefs. Pourquoi est-ce que Marc est là, il pourra le confirmer, pourquoi est-ce qu'on était obligé de transférer à Ostende ou à Charleroi quand on était à Bruxelles, parce que les soins intensifs étaient pleins et qu'il n'y avait plus aucune place dans aucun hôpital bruxellois, ni même de la périphérie. Et pourquoi personne n'a réagi à ce moment-là ? Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on vous dit « il faut protéger le personnel médical » ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi il n'y a pas il y a 10 ans ? On ne le méritait pas il y a 10 ans ? Parce qu'il y a quelque chose derrière. Et cette chose n'a rien à voir avec la santé. On est en train de durcir complètement les règles Covid pour une situation qui est similaire à celle de l'année passée ou à celle de l'année d'avant. On est en train de nous brimer, on est en train de nous enlever toutes nos libertés, non pas individuelles, je ne veux pas entendre ce mot, ce ne sont pas des libertés individuelles, parce que quand on dit ça, on nous présente comme des égoïstes individualistes, ce sont des libertés en tant que société, la liberté de se réunir, la liberté de se révolter, c'est notre société qu'on doit protéger aujourd'hui. Merci. C'est vrai qu'en quelques mois, on nous a vraiment retiré beaucoup de liberté, beaucoup de droits. Qu'est-ce qu'il en pense, Nico ? Alors moi, je vais vous parler de ce bout de tissu. Bout de tissu qui n'empêche rien du tout, parce que le Covid est tellement petit que c'est de mettre un filet de pêche comme toile moustiquaire à votre porte de maison. La pêche au thon, hein. C'est vraiment un gros filet. Alors j'ai travaillé 20 ans dans la chimie. Ouais. J'ai travaillé 20 ans dans la chimie. J'ai été chauffeur de produits en chimie lourde d'usine à usine dans toute l'Europe. Et j'ai transporté des produits très dangereux. Des produits que si vous avez une goutte sur vous, vous avez le cancer. Des produits que si vous respirez une seule fois, vous mourrez d'une crise cardiaque instantanée. Eh bien, je peux vous dire que si ce masque-là protégeait des virus, on aurait mis ce masque-là quand on transportait nos produits. Alors les produits qu'on transportait, c'était de l'ammoniac à 90%. Celui-là, si vous le respirez une seule fois, vous êtes mort. Crise cardiaque automatique. Et là, vous êtes obligé de mettre le gros masque, un peu comme la police, avec les grosses cartouches en dessous. Il y a des produits que vous êtes obligé de mettre une combinaison intégrale pour pouvoir les manipuler. Parce que même rien qu'avec les émanations, vous attrapez aussi les cancers. Alors nous faire croire qu'un virus va nous attaquer, c'est impossible. Mon père a fait donc le service militaire. Et déjà à cette époque-là, dans les années 60, ils avaient déjà arrêté les recherches sur les armes bactériologiques. Pourquoi ? Parce que déjà à cette époque-là, ils ont dit que c'était impossible de le contrer. C'est impossible de fabriquer un virus. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a encore 300 laboratoires dans le monde qui fabriquent des virus. À quoi ça sert avec nos impôts de fabriquer des virus ? À quoi ça sert ? Franchement, je me demande bien. Alors si on parle de mortalité par rapport à un virus, la cigarette, elle tue 60 000 personnes par an en Belgique, contre 10 000 personnes, soi-disant l'année passée, pour le Covid. Alors pourquoi on n'arrête pas la cigarette ? Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut rapporter la cigarette pour l'humanité et pour l'humain. Là, il faut m'expliquer. Autre chose, pourquoi on supprime tous les petits artisans qui fabriquent, le fermier qui fabrique son beurre, les fromagers, enfin, tout ça, avec des produits complètement naturels. Maintenant, tout est fabriqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film La Loula Cuisse, où est-ce qu'il y avait Tricatel. Eh bien, on bouffe du Tricatel tout le temps. Et l'AFSCA empêche un petit commerçant de vendre des tartes parce qu'il y a une mouche dans son magasin. Mais par contre, on peut mettre 10 000 produits chimiques et fabriquer de façon chimique tous les produits qui sont vendus dans les grandes surfaces. Il faut savoir aussi que les normes sanitaires entre un commerçant et une grande surface sont différentes. Si vous allez sur le site de l'AFSCA, vous pourrez trouver que les normes pour vendre quelque chose sont différentes d'un petit commerce d'une grande surface. Ils sont beaucoup plus tolérants pour les grandes surfaces. C'est quand même aberrant. Enfin, quand une fromagerie de Normandie vend du fromage par ici, la date de péremption est de 1 mois. Si ça part dans les îles Outre-mer, la date de péremption est de 3 mois. Là, il faut m'expliquer aussi pourquoi. Et donc, il y a vraiment plein d'anomalies comme ça que je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Alors, l'AFSCA sert vraiment pour aider les multinationales à se développer, mais l'AFSCA ne travaille que pour l'emballage, tout ce qui se trouve autour de la marchandise. Et pourquoi on ne créerait pas une agence sur la composition et la fabrication des produits ? Mais ça n'existe pas. C'est peut-être un truc que, si on demanderait aux citoyens simplement de proposer des lois et de proposer des amendements et de proposer des projets de loi, je pense que le citoyen, lui, il serait assez intelligent pour dire « nous, on veut ça ». Nous, on veut des produits plus naturels, beaucoup plus sains pour la santé des enfants et des gens. Mais non, c'est toujours la multinationale qui, pour des profits, pour des gens que nous ne connaissons pas, qui se servent de nous comme de la chair à canon. Parce qu'on n'est plus que ça, on n'est plus que bon qu'à consommer, travailler et fermer sa gueule. Enfin, je ne sais plus comment le dire autrement, mais pour être gentil, pour ne pas être vulgaire. Donc voilà, je suis descendu dans la rue il y a presque 2 ans. J'ai fait 100 mètres. Le policier m'a demandé ma carte d'identité, m'a demandé d'ouvrir mon sac. Dans mon sac, j'avais un gilet jaune. J'ai fait 8 heures de garde à vue. J'avais pas encore mis mon gilet jaune sur moi. Ça s'est répété à plusieurs reprises. Ça s'est répété aussi à Paris. Je n'ai jamais levé la main sur un policier, je n'ai jamais lancé le moindre caillou sur un policier, et je suis déjà à 50 heures de garde à vue. Et après, on dit qu'on vit dans un pays démocratique, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent, eux, démocratie. Merci. Merci, Nico. Vous avez 15 minutes encore de questions. Alors, où sont les questions? J'ai beaucoup entendu, je crois qu'on est assez d'accord sur ce qui marche mal. Demain, on va plus s'orienter sur comment faire mieux à l'avenir, donc d'autres systèmes de contrôle, de démocratie, de participation, etc., etc. Mais aujourd'hui, il y a peut-être parmi vous des gens qui ont des idées pour améliorer. C'est le micro, il est ici. C'est pour toi. Coincé. Pour une fois qu'on a un homme, bravo les femmes. Oui, désolé pour lui. Bon, ben bonjour, je prends juste la parole pour vous dire que je pense qu'il y a ici beaucoup de représentants de groupes qui se sont réunis par rapport à cette crise et les mesures qu'on trouve intolérables. Je pense que ici c'est une magnifique initiative qui a été faite pour essayer de faire une convergence entre les luttes. Je pense qu'il faudrait absolument qu'on trouve un moyen de s'unir, c'est un début ici. Donc, nous, de notre côté, on a un groupe qui s'appelle Coronavirus, une vérité masquée sur Facebook. Mais je pense qu'ici, il y a d'autres groupes de tout ordre. Il faudrait qu'on se voit, qu'on se rencontre pour unir nos forces et faire des manifestations, qu'elles soient sur l'espace public ou à travers les médias. Mais il faut trouver aujourd'hui de manière urgente une manière de réagir. Donc, unissons-nous urgemment. Trouvons des solutions pour trouver des manières intelligentes et fortes pour essayer de convaincre un maximum de gens de se joindre à nous et de comprendre qu'on est dans une manipulation invraisemblable. Donc on essaie de créer une plateforme qui échappe à Facebook pour être totalement indépendant parce qu'il y a un contrôle de Facebook qui est de plus en plus fort et qui nous empêche d'être totalement libres. Donc on va essayer de communiquer autour de ça, c'est-à-dire une plateforme qui soit à la fois rédactionnelle et audiovisuelle. On voudrait faire aussi des actions symboliques fortes de manière audiovisuelle, mais aussi sur le terrain, dans l'espace public. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc Coronavirus, une vérité masquée. Mais donc moi, je ne veux pas défendre mon groupe en particulier, je veux juste essayer de trouver les moyens pour... avoir une plus grande force aujourd'hui à travers Facebook, mais surtout à travers dans le réel, et pour contrer surtout l'information, parce que là, il y a un grand problème. Donc nous menons par exemple plusieurs axes, on filme aujourd'hui, on essaie de faire une vraie investigation pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les médias pour qu'il y ait une sorte de propagande généralisée, qu'il n'y ait plus de discours critique du tout dans les médias généralistes. Et donc, c'est une enquête qu'on mène avec deux ou trois journalistes qui acceptent, mais c'est très compliqué de remonter, et ça nous permettra de remonter de plus en plus haut pour voir exactement d'où vient cette manipulation généralisée. Donc, n'hésitez pas à me contacter, et puis et trouvons des moyens ensemble. Merci. Ah ouais, merci. Il faut se rendre compte, je ne sais pas si vous connaissez le tyran binaire. C'est un truc qui est une tendance. Actuellement, on nous a retiré toute la merveilleuse complexité du monde. Maintenant, c'est blanc ou c'est noir, c'est bon, c'est mauvais, tu préfères ça ou ça. Il n'y a plus que le « ou ». À côté, il y a le « et » encore. Et comment est-ce qu'on fait justement pour se mettre ensemble dans tous nos groupes? Peut-être qu'il faut essayer de ne pas avoir une solution centralisée, genre KGB ou à peu près, mais plusieurs solutions. Comment garder les atouts des petits groupes et les atouts des grands groupes? Si vous prenez une personne, cette personne a probablement beaucoup plus de voltage que la moyenne de son groupe dans un certain domaine. Elle a plus de talent, plus de compétences que n'importe qui dans son groupe aussi. Si vous la mettez dans un groupe et que vous prenez le plus grand commun dénominateur du groupe, ça ne va pas faire très très fort. Si on fait un parti national, européen, international ou autre des citoyens, peut-être que ça va être un peu réducteur. Donc tout l'art est d'arriver à garder tout le voltage, l'excellence, la puissance de chacun, tout en ayant les avantages d'un regroupement. C'est pour ça que Convergence a été créée. C'est-à-dire l'idée, c'était d'avoir un point de rencontre, un point d'échange, un point de solidarité, un point de coordination, mais sans prendre la personnalité de chacun. C'est ça un peu tout l'art. Mais on doit avoir la possibilité de faire les deux, à mon sens. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va croire qu'un grand truc qui réduit tout le monde à un commun dénominateur sera la meilleure formule. Mais ça commence aujourd'hui, ça commence par chacun d'entre nous. Il y avait Olivier qui avait aussi une idée dans ce sens-là, dont il m'a fait part l'autre jour. C'était d'arriver déjà à regrouper l'information. Dieu sait qu'on a pas mal de très très bons documents, vidéo, audio, texte ou autre. On n'a pas toujours le temps de tout lire, tout le monde. S'il y avait déjà quelqu'un, et l'idée d'Olivier est une très bonne idée, maintenant il a d'autres projets aussi, je ne sais pas s'il aura le temps de faire tous ses projets, il va nous le dire, mais ce serait peut-être bien d'entendre ce que tu proposes dans ce domaine-là, où tu en es dans tes projets de comment dire, mise à disposition des meilleurs documents pour que tous les groupes ne doivent pas les lire et les rechercher. Si tu as envie d'en dire un mot, Olivier ? Oui, celui-là, cet Olivier-là. Celui qu'on connaît pour ses tendances à la gastronomie de haut niveau, mais il s'occupe aussi d'informations humanitaires. Bon, j'ai pas entendu tout ce que tu disais, donc en fait, je vais vous parler juste du projet sur lequel on est en train de travailler, qui s'appelle Étincelle. Donc en fait, je voulais pas vraiment en parler là maintenant, parce que le site ne sera en ligne que d'ici 10-15 jours. Donc il s'agit d'un site web... qui a pour objet d'essayer de ramener les citoyens à se reconnecter à leur capacité de raisonnement. Donc en fait, nous, on est parti du constat que d'un côté, on a beaucoup de gens qui commencent à essayer de... ou qui commencent à s'indigner, qui commencent à se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et puis de l'autre côté, on a beaucoup de sites qui donnent beaucoup d'informations, comme voilà, des sites d'indignés, coronavirus.info, ou les Belges se réveillent, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un petit décalage entre ceux qui commencent à s'indigner et toutes ces informations brutes de brutes qui parfois nous emmènent dans des couches parfois très compliquées. Où on pourrait être taxé de complotiste. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler dans un espace qui va amener le citoyen à, couche par couche, étape par étape, essayer de l'amener juste à comprendre, à prendre conscience de l'énormité de ce qui se passe. Un endroit où on va recouper toutes les informations, il va y avoir... une espèce de ligne du temps déjà, où on va pouvoir se rendre compte de tout ce qui s'est passé dans un endroit centralisé. Voilà. Et bon, donc il y a trois volets. Il y a un premier volet qui s'appelle le module Premier Pas, qui est un espace qui a donc pour objet justement à amener le citoyen à prendre conscience. Donc aujourd'hui, quand vous rencontrez des gens par exemple, et que vous rencontrez des gens qui commencent à prendre conscience de ce qui se passe, souvent, vous passez beaucoup d'énergie à essayer de leur expliquer, et ça fait déjà depuis des mois, et j'imagine que vous êtes aujourd'hui très fatigué. L'idée, c'est de pouvoir vous amener à les envoyer sur ce site web, et que ce site web puisse, si c'est bien fait, les amener à prendre conscience. Voilà. Un deuxième volet, c'est un espace qui a un droit de réponse par rapport à l'actualité que nous nous octroyons. C'est-à-dire que si maintenant vous avez un article de presse une émission où vous avez des journalistes qui expriment des choses qui ne sont pas forcément justes ou qui sont plutôt anxiogènes parce qu'ils n'ont pas utilisé les bons indices, eh bien on a des experts, des scientifiques et des juristes qui vont pouvoir réagir à cet article en indiquant que voilà, les indices sont cumulés alors que c'est pas forcément juste, et reprendre parfois l'information de façon à ce qu'elle soit plus compréhensible, ou alors signifier tout simplement que l'information n'est pas juste, avec des sources indiquer qu'il y a un autre regard qu'on peut porter sur l'information qui a été publiée. Et donc le troisième volet, c'est une base de données dans laquelle on va retrouver toutes ces informations, de façon à ce que lorsque le citoyen qui commence à prendre conscience et à qui on va susciter la curiosité, va commencer à chercher, on va l'amener à visiter cet espace, cette base de données dans laquelle il y aura du contenu. Alors j'en profite là maintenant pour vous dire qu'effectivement, si vous avez des compétences de rédaction, si vous avez passé du temps à récolter des informations, si vous avez envie de participer à ce projet, vous êtes les bienvenus aussi. Donc vous pouvez me contacter, je ne sais pas où est-ce que je peux mettre mon adresse email, Bah, y aura l'adresse email quelque part qu'on va pouvoir publier, j'imagine, sur le site. Voilà. Alors, UND, alors vous pouvez envoyer sur une d'Orfo, UN, donc uniforme, U comme uniforme, N comme novembre, D comme. Il n'y a personne qui note, pas grave. UN, D comme Delta, O comme Oscar, R comme Roméo, F comme Fox, O comme Oscar, @gmail.com. Donc UNDORFO @gmail.com. UNDORFO @gmail.com. Et donc on est déjà une quinzaine de personnes, des experts voilà, qui participent au projet. Il y a plein de gens. Il va le dire à la dame dans son oreille. Alors moi je vais vous donner 10 minutes pour aller boire une bonne bière bio, puisque nous avons commandé donc nos bières.